Donc, bien entendu, pour avoir ces données-là, nous avons travaillé sur quatre postes, qui sont les quatre postes de référence qui possédaient suffisamment de données en Guyane. Donc, il y a bien sûr notre station météorologique de référence qui est à Matoury, sur l'aéroport. Il y a eu Saint-Georges, Maripasoula et Saint-Laurent. Donc, on retrouve un petit peu les courbes de ces températures moyennes de ces quatre stations. On voit que les courbes se superposent assez naturellement. Les pics de chaleur correspondent aux pics de chaleur, les valeurs minimales correspondent aux valeurs minimales, et surtout les courbes de tendance sont bien parallèles. Alors vous allez me demander, mais pourquoi y a-t-il un décalage entre Rochambeau par exemple et Maripasoula? Eh bien, c'est simplement l'effet du vent. Le vent faiblit. Les vents qui soufflent sur la Guyane viennent généralement du secteur est, ça va du nord-est au sud-est, et faiblissent en rentrant dans l'intérieur des terres. Donc le littoral étant plus ventilé, les températures sont un petit peu plus fraîches que dans l'intérieur des terres. Maripasoula, qui est vraiment la commune la plus continentale, il fait donc un petit peu plus chaud. Mais bon, que ce soit la température moyenne globale de la Guyane ou au niveau des postes, on constate cette même hausse de température de pas loin de 1,5 degré. Alors, on peut travailler également en comparant les températures maximales et les températures minimales. La température moyenne, je rappelle la définition, c'est la somme de la température maximale et de la température minimale divisée par deux. Bon, c'est relativement simple. On s'est aperçu qu'en fait, les températures avaient augmenté aussi bien au niveau des maximales qu'au niveau des températures minimales. Donc, une hausse de 1,65 degré pour les températures maximales et une hausse de 1,1 degré pour les températures minimales sur ces quatre postes de référence. J'ajouterai que pour les années à venir, nous travaillons sur d'autres systèmes de manière à pouvoir augmenter la densité des mesures. C'est un point important également quand on fait de la descente d'échelle, c'est-à-dire quand on veut descendre au niveau régional. Les travaux du GIEC travaillent à un niveau mondial, global, et nous, localement, on se charge de faire une descente d'échelle, donc de travailler à l'échelle d'une région, donc sur une zone d'à peu près une cinquantaine de kilomètres carrés. On y reviendra tout à l'heure.